Alors, le prochain bloc, c'est une présentation de mmnouvelles.com. Le bonheur est à portée de votre doigt. Vous utilisez celui que vous préférez, mais vous cliquez et vous arrivez sur mmnouvelles.com. Et puis là, il y a un nouveau monde qui s'ouvre devant vous et c'est le monde, l'univers du MMA, le sport le plus intéressant, le plus spectaculaire, le plus complet parmi tous les sports. Et là, ce bloc-là, gracieuseté mmnouvelles.com, c'est une pétarade de nouvelles grâce à l'homme nouvelle lui-même, Fred Garcia, qui nous parle des sujets chauds de la semaine. Alors, Fred, de quoi qu'est question? Ben, je pense que le sujet le plus chaud dans le MMA francophone, en tout cas, c'est notre émission spéciale qui s'en vient le 24 octobre. Ben, on en parle partout. Ben, c'est On en sûr. parle partout. Oh oui. Oh là là là. Oui, là oui. Alors là, tu me dis La Voix des Guerriers, édition spéciale d'avant-combat pour une toute première. Et là, on peut pas. J'espère que ça va pas chier cette affaire-là, parce que, tu sais, la technologie, des fois, ça chie. Mais c'est pas grave, on s'est mis la pression. Et soyez là, ce sera samedi prochain, le 24 octobre, à 20 h, heure du Québec, évidemment. En France, je pense que c'est 6 h plus tard, hein, si je me trompe pas. Oui, ça équivaut à 2 h AM, heure de Paris. Et pour cette émission spéciale-là, je vais juste dire, il va falloir vos yeux, pas simplement vos oreilles, il va falloir vos yeux pour apprécier l'émission. Alors, Parce soyez que à l'écoute. Fred, bon, il ne nous l'a pas dit, mais c'est également un excellent danseur de baladi et il va nous divertir pendant qu'on va parler de ce UFC-là, de baladi. C'est ça que je Oui, comprends? je viens de passer une semaine avec Akiyama, là, après avoir fini mon petit jeu. Pas Akiyama, voyons, Akiro Gono, excusez. Akiro Gono m'a montré ses meilleurs mouvements, là, je vais vous montrer ça. Non. Honnêtement, il ne sera pas question de baladi ou de danse. Vous n'allez pas nous voir la face, et ça, on vous le garantit, là, pour votre propre bien, là, honnêtement. Bon, il y aura des images, évidemment, concernant le UFC 104, et en même temps, vous allez entendre notre description de cette soirée-là. On va vous préparer quelque chose d'intéressant, et on espère que vous allez apprécier ça. Soyez là en grand nombre, parlez-en à vos amis. Si vous n'avez pas d'amis, ben, trouvez-en pour leur dire. Réunissez-vous. Parce qu'à un moment donné, bon, le UFC, ça peut vous coûter cher, mais on se réunit entre amis, des chicken wings, des petits plats appropriés, jus d'orange, jus de pomme, jus de légumes, pour certains autres, bon, une petite bière, n'importe quel breuvage pour agrémenter votre soirée. Et avant le gros UFC là, qui commence à 10 h, il y aura le Spike TV. Deux combats complètement gratuits pour ceux qui ont Spike TV. Et si vous êtes un amateur de MMA, c'est un must, vous devez l'avoir. Ça, ben, c'est signé 3 copies. Mais avant ça, à 20 h, entre 20 h et 21 h, bien nous, on va être là pour vous parler de cette carte-là, surtout des combats principaux. 60 minutes, 60 minutes intenses, mais juste du UFC 104. Alors, si vous avez des commentaires, des suggestions, ben on est toujours prêt à les accueillir. Puis en même temps, par la voie du courrier électronique, vous allez pouvoir interagir avec nous directement. On va évidemment regarder ça à travers notre émission et on espère que vous allez être là en grand nombre et de plus en plus, parce qu'on va essayer de faire ça à chacun des gros événements majeurs, essayer de faire une émission spéciale, évidemment, si tout ça se déroule bien. Oui, ça, en plus, avec plusieurs événements majeurs à venir, ça va être très intéressant comme projet, je pense. Oui, parce que là, le mois de novembre va être, ça va venir de partout, là. Strike Force UFC, ça n'arrêtera plus. Puis les fêtes également. Maudit, le bonheur commence dans les prochaines semaines. Alors c'est ça pour le Spike TV. Quels seront les combats qui vont être proposés, là, comme ça, gratuitement, là, pour les amateurs de MMA sur Spike TV? C'est Ryan Bader contre. Oh, Eric Sheffer. tu me prends au dépourvu, j'ai Oui, oublié face l'autre à Eric. combat aussi. Ouais, c'est Bader face à Sheffer. Puis l'autre combat, tout à fait gratuit, juste pour vous. Parce que, bon, après avoir vu le lutteur Ryan Bader affronter Eric Sheffer, et là, pendant que je parle, ben, je suis dans mes papiers à essayer de trouver l'autre. Est-ce que c'était Anthony Johnson? Non, c'était. Non, c'est deux pugilistes debout. Anthony Ardonk face à Patrick Barry. Les deux se sont entraînés un moment dans leur vie avec le grand champion de K1, Ernesto Houst. Et là, on va s'affronter. Un grand coup de patte, ça va jouer du rentre-dedans entre Anthony Ardonk et Patrick Barry. J'espère que les deux vont être prêts à s'échanger debout. Parce que bon, et je suis pas sûr qu'il va dominer, mais Barry est beaucoup plus petit qu'Ardonk, mais il a des méchants coups de patte, Patrick Barry, qui, bon, dans son dernier combat dans le UFC, avait subi la défaite face au Canadien Tim Hag. Mais bon, parce que Ag, évidemment, au sol, était beaucoup plus complet que Barry. Mais là, si on s'en joue uniquement debout, là, oh, tabarouette, ça va cogner dur. Hardunk, Barry, ça aussi, c'est gratuit pour vous. On va être rivé devant notre écran sur Spike TV entre 21h et 22h avant le début officiel là, de la carte sur le pay-per-view. Oui, ça va être une super soirée, j'ai hâte pour le début, comme tu disais, de plusieurs belles cartes à venir. Alors, vu qu'on parle des cartes à venir, on va parler un peu d'une annonce que l'UFC s'en va en Australie, mon Ken. Oui, et as-tu déjà ton billet, Fred, monsieur l'aventurier, qui s'est déjà déplacé pour le UFC 100, si je ne me trompe pas, puis au Centre Bell quand même, tu t'es pas payé les pires UFC, là. L'Australie, il me semble, c'est à ta portée. Ah, oh, j'aimerais bien ça, mais c'est un petit peu loin et sûrement pas mal cher. J'ai eu la chance, moi, d'assister à l'UFC 83, 94, 97 et 100. Et ça a été les meilleurs moments à chaque fois. Mon préféré de tous, ça a été l'UFC 94, sans aucun doute. J'en ai parlé cette semaine un peu sur mon blog, dans une journée tranquille, que l'ambiance là-bas à l'UFC 94 pour BJ Penn et Georges St-Pierre. C'était peut-être l'ambiance sportive la meilleure que j'ai jamais assistée de ma vie. C'était incroyable, le bruit, le son. Ça donnait des frissons à être là. C'était incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Le UFC avait monté toute une histoire entre l'affrontement George puis BJ, des émissions spéciales, toute l'affaire. Bon, George a un peu gâché ça en sacrant une volée littéralement BJ Penn, là. Ça a été comme trop facile. Mais quand même, somme toute, effectivement, l'histoire était bien montée entre les deux pugilistes. Et tu nous parles de ce UFC-là qui, pour la toute première fois, va se rendre de l'autre bord de la planète, là, en Australie. Et ce sera la première fois, évidemment. C'est pour le 21 février. Et c'est un combat dont on avait mentionné des rumeurs, il me semble. Je ne me souviens pas si c'est la semaine passée. Là. Ça va tellement vite. À un moment donné, on vous avait parlé de ça. Le japonais Yoshihiro Akiyama face à Wanderlei Silva. Mais ça serait confirmé. Oui, ben les deux ont pas mal confirmé la nouvelle. L'UFC l'a pas annoncé officiellement, mais au début, on a eu un vent de rumeur, si on veut, à l'effet que ce combat aurait lieu pendant une conférence de presse par rapport à UFC Undisputed au Japon. Et après ça, les deux combattants ont pas mal confirmé le fait qu'ils allaient s'affronter. Ça va être intéressant. Moi, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'Akiyama est un petit poids moyen et Wanderlei Silva vient des mi-lourds. Alors, je sais que Wanderlei Silva est un petit mi-lourd. J'ai un peu de misère à voir là, la différence de poids qu'il risque d'avoir dans ce combat-là. Parce que le dernier combat d'Akiyama, il m'a paru petit face à. J'oublie son nom, c'était. Alan Belcher. Exactement. Et je me rappelle même à ce moment-là, j'avais écrit que je pense qu'Akiyama pourrait descendre à 170 livres. Alors, ça va être un match-up intéressant. Là, deux gars qui ont beaucoup de cœur, ils vont échanger les coups de poing. Ils n'ont pas peur d'échanger les deux. Alors, je pense qu'on va voir un KO d'un bord ou de l'autre. Oui, puis effectivement, les Japonais, là, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans leur sushi, mais effectivement, ils ont des petits cabarets, mais ils sont gros. Hein, C'est surtout qu'ils pratiquent pas beaucoup la coupe de poids, eux autres. C'est pas dans leurs habitudes, si on veut. Un de ceux qui fait une coupe de poids va combattre justement en fin de semaine, c'est Yushin Okami. On peut voir qu'Okami est un gros 185 livres. Alors, comparé Okami et Akiyama, on peut voir tout de suite la différence de stature entre les deux. Mais en général, la culture des combattants japonais a fait pas beaucoup cet aspect-là, la coupure de poids. C'est pas quelque chose en quoi qu'ils croient plus que ça, si on veut. Alors, ça va être le fun. Moi, j'aime ça, ce combat-là, parce que Wanderlei Silva, il l'a pas eu facile dernièrement. Puis là, il me semble qu'on lui donne un adversaire pas facile, loin de là. Mais il me semble que là, il a ses chances. Et deux styles très différents, tant au point de vue des entrées. Akiyama arrive sous Conte Partiro d'Andrea Bocelli. Un peu bizarre comme entrée, mais tout calme. Tout traditionnel, alors que Wanderlei Silva, là, sa musique rentre dedans. Sandstorm. Ouais, c'est ça. Et lui, toujours agressif également. Ça va être bon, ça. C'est prometteur comme affrontement. J'aime ça. Alors, mis à part de ça, est-ce qu'il y a d'autres combats là, qui ont été annoncés qu'on ne savait pas? Qu'est-ce qui se passe dans le UFC? Ben, on a confirmé que l'UFC 107 aurait lieu à Memphis et on a pas mal confirmé tout ce qu'on savait, mais au moins là c'est officiel, on peut en parler avec pleine anticipation. Alors, pour l'UFC 107, c'est Diego Sanchez et BJ Penn qui vont faire la finale de ce combat-là. Moi, je l'ai souvent dit, c'est un combat que j'attends beaucoup. Dernièrement, je suis en train de me convaincre que Diego Sanchez va peut-être être un excellent opposant pour BJ Penn, peut-être un des meilleurs qu'il a jamais eu, parce que Sanchez est très gros, très fort. Mais d'une autre façon, je me dis que ces deux combats à 155 livres, Sanchez les a gagnés par décision contre des gars que BJ Penn se serait sûrement débarrassé. Alors, je sais pas. On va voir. Ça va être intéressant. Moi, je prends pour BJ Penn. Je suis un amateur. J'ai pas peur de le dire. Alors, ça va vraiment être un beau combat, d'après moi. La grosse force de Diego Sanchez, c'est son ground and pound. C'est quand il est sur son adversaire, puis là, vraiment, là, c'est un des frappeurs les plus puissants là, au sol. Sauf que face à BJ Penn, bon, l'amener au sol, ce sera pas facile, parce que Diego Sanchez, c'est pas le meilleur des lutteurs. Puis, de toute manière, la garde de BJ Penn, là, bon, Georges l'a traversé aller-retour 10 fois, mais Diego aura probablement pas cette facilité-là. Et debout, bien que Sanchez, je trouve qu'il s'est amélioré grandement dernièrement, je sais pas, BJ Penn, quand même, il a une boxe, c'est comme naturel pour lui. Là. Ses mains, ils partent comme ça, naturel, sans effort, face à Diego Sanchez debout. Ça peut, moi, je pense que c'est un bon combat quand même, à 155 livres. C'est un combat que j'attends avec impatience, mais celui que je préfère quand même, c'est Frank Mir face au Français Cheick Kongo, qui en a fait parler bien des gens sur MMAnouvelles.com cette semaine. Oui, ça attire les émotions des deux côtés. Je pense aussi que on peut voir peut-être l'allégeance de où chaque personne qui laisse des commentaires vient. C'est naturel que les personnes de France ont un amour pour leurs combattants. Moi, je pense que Cheick Kongo, s'il y a un bon plan, pourrait gagner. Je vais expliquer ça de même. Moi, ce que j'ai pas aimé dans son combat contre Cain Velasquez, c'est qu'à chaque fois qu'il a sonné Velasquez, il s'est retrouvé proche. Alors moi, je veux voir Kongo avoir un style plus défensif, peut-être plate même. À la Anderson Silva, tu bouges gauche, droite, tu recules. Quand tu as une cible, tu frappes dedans, mais tu restes pas trop près de ton... Mais s'il envoie Mir au sol, moi, si je serais Kongo, je voudrais rester debout. Dis à Mir qu'il se relève. Au pire, il gagnera par décision des juges. Moi, c'est la meilleure stratégie que je vois pour Kongo. Je lisais certains des commentaires qui disaient « Kongo peut faire du ground and pound sur Mir. » Je suis vraiment pas convaincu de ça. Kongo, il t'en a planté, les garçons, au sol. Mais c'est effectivement... Je suis d'accord, mais Mir... Il faut qu'il se retrouve sur le dessus, parce qu'en dessous, là, il va se faire... il retrouvera plus ses bras, là. Mais Mir, même sur le dos, est très dangereux. OK, Brock Lesnar, qui pèse 265 livres et même 280 livres, a réussi à le contrôler. Mais à part de ça, Mir, sur le dos, est capable de très bien bouger. Alors, il suffirait que Kongo fasse juste une erreur et on pourrait avoir un armbar, on pourrait avoir... une soumission assez rapide. Alors, c'est pour ça, moi, j'en reviens à dire que j'aimerais ça le voir transformer ce combat-là le plus possible en combat debout et pas aller au sol. Et comme de cette façon-là, je peux voir Kongo l'emporter sans problème. Même, il est supérieur debout à Frank Mir. Oui, ça, je pense, c'est pas discutable. Même si Mir en a surpris plusieurs debout face à Nogueira, quand même, là, on parle avec Kongo, là, c'est un combattant d'élite debout. Et au sol, quand même, il faut se rappeler, bon, il n'a peut-être pas affronté des gars comme Frank Mir, mais il n'a jamais été soumis. Je me souviens d'un combat face à Heath Herring, qui n'est pas piqué des verres au sol, c'est pas Frank Mir, loin de là, mais quand même un combattant d'expérience qui en a soumis plusieurs là, dans le passé, qui a fait des beaux combats. Il est allé chercher 16 de ses 28 victoires vers Heath Herring par soumission, notamment au Pride, puis pas des derniers venus tout le temps. Et Kongo, dans ce combat-là, si on s'en souvient, on est allé au sol, on a eu beaucoup de transitions debout au sol, puis Kongo, bon, avait perdu par décision partagée, mais tant qu'à moi, bon, ça aurait pu aller d'un bord puis de l'autre, et n'a jamais été prêt de se faire soumettre. Mais je pense que Kongo, évidemment, s'il se retrouve sur le dessus, là, il est très dangereux, mais effectivement, sa meilleure des chances, c'est de rester debout le plus longtemps possible, et si, à un moment donné, ben, il y a peut-être une opportunité, puis il voit que Frank Mir, là, il en peut plus, ben là, il pourra le trancher au sol. Oui, ça va être un excellent combat. Le troisième combat aussi qui a été annoncé, ça devrait être intéressant, c'est Thiago Alves, puis Paulo Thiago. Moi, Paulo Thiago, Je ne sais pas, je le trouve un peu. Il manque de muscle un peu, on dirait. Mais Il est chétif, ça c'est pas. Ouais, exactement. Dans ces deux combats, il a bien paru quand même. Même contre John Fitch, dans défaite, il s'est bien défendu, là. Fitch a dominé, si on veut, le combat, mais Thiago était là quand même. Alors, contre Thiago Alves, je m'attends à une victoire de Thiago Alves. Je prends ça comme un combat, si on veut, un bonbon pour Alves, pour l'aider à revenir sur la bonne séquence, selon moi, là. C'est un combat qu'il devrait gagner, puis qui se doit de gagner s'il veut toujours être considéré dans les meilleurs, là. Oui, assez d'accord avec toi. Puis sur cette carte-là, je pense que Kenny Florian face à Clay Guida devrait y être. Ça, il me semble que c'est une belle confrontation. Ça va être un bon combat que celui-là. Paul Buentello, ton favori, va être là. Peut-être avec une petite musique mexicaine. Et cette soirée-là, on fera un spécial avec tacos et toute l'affaire. Et oh, il y a un Canadien, TJ Grant, qui vient de l'Est du Canada, qui devrait être opposé à Kevin Burns. Alors, une soirée palpitante nous attend le 12 décembre. Oui, ça va être une super soirée palpitante. Si on prend ce moment-là pour aller parler un peu de Chuck Liddell, est-ce qu'il t'a fait palpiter avec ses performances à Dancing to the Stars, with the Stars? Non, je dois dire que moi j'ai deux passions dans ma vie, c'est la danse et le MMA. Et non, Chuck Liddell l'a trouvé très mauvais. C'est un piètre danseur, puis un peu constipé, mais dévoué par contre, a prouvé que c'était un compétiteur, puis il a essayé de tout donner, mais il en avait pas assez. Il s'est fait éliminer, puis rapidement, on va le revoir dans un octogone. Moi j'en suis convaincu, j'ai jamais vraiment cru qu'il allait prendre sa retraite. Il lui reste peut-être un ou deux autres combats, là. Je dis pas qu'il va faire comme Randy Couture, puis être là encore pour les 8 prochaines années, mais on va le revoir une fois. Moi, j'en suis convaincu. Ouais, ah, t'es dur avec Chuck. Moi, j'ai pas regardé l'émission du tout. J'ai juste regardé les séquences que j'ai mises. Alors, j'ai pas vu ses compétiteurs. Mais je dois admettre que Chuck m'a semblé tenir son bout. Il a pas été si pire que ça. Le monde sont durs avec Chuck un peu. Ah, c'est parce que je suis un très grand danseur, alors je me permets. Mais non, bah, c'est fini pour lui. Puis honnêtement, là, Chuck, je pense pas. Je pense pas qu'il avait tant de plaisir à faire ça. Puis il avait pas l'air chez lui. Mais dans un octogone, il a l'air beaucoup plus confortable. Alors c'est pour ça, je pense qu'on va le revoir. Puis moi, je le souhaite. Chuck, il est encore capable d'en sonner un avec sa main arrière. Ouais, Alors. et juste pour vivre une autre entrée comme à l'UFC 97, là, les amateurs lui avaient donné une belle ovation, puis c'était très le fun à voir. Oui, puis peut-être que ce repos-là va lui être bénéfique à Chuck Liddell, remettre un peu les choses en place. Puis bon, dans les dernières années, il a été signé à une couple de reprises, là. On s'en souviendra, Quinton Jackson, Mauricio Roy. Je pense dans les deux cas, si je ne me trompe pas, c'était avec un crochet de la main avant. Bon, Rashad Evans qui, oh, avec une main arrière solide, là, l'a percuté. Puis on pensait pas que Chuck allait s'en relever, mais il s'est relevé. Puis alors, là, je pense peut-être une bonne période de repos. Puis on va revoir Chuck en meilleure forme, puis prêt à combattre à nouveau. Puis il y a encore des outils pour faire des bons combats. Je pense pas que c'est le plus complet à 205 livres, loin de là. Mais c'est un bon Jack. Non, puis c'est aussi que c'est le nom qu'il a. Alors, le nom attire les yeux. Et c'est toujours bon. Moi, je suis un amateur des vétérans. Je veux les voir, même si je sais très bien que Chuck ne sera sûrement jamais champion encore à 205 livres, pas dans l'UFC du moins. Mais je suis bien content de le voir. Ben, j'aimerais ça le voir continuer, là. Il n'y a rien d'officiel, mais si on se fie aux signes qu'il peut laisser, on dirait qu'il veut revenir. Alors, ça serait très le fun de le voir. Il y avait David Loiseau qu'on voulait vous parler, mais on vous en parlera pas parce qu'on s'est déjà fait. On vous l'a dit, David Loiseau, un combat de prévu pour le 30 octobre en Floride pour Cage Wars. Et alors, ça, c'est tant mieux. On a hâte de revoir David Loiseau, un gars plein de potentiel. Il est pas très vieux, il a commencé jeune, il a bien fait. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts, puis. Peut-être, là, lui, c'est pas physique son problème, mais à un moment donné, c'est pas facile non plus. C'est un sport de malade, ce sport-là, là, honnêtement. Si j'en parle, c'est parce que moi, j'en pratiquerai pas. Mais c'est un beau sport à voir, mais en dedans, c'est pas facile. David Loiseau, il a les outils pour être un excellent combattant à 185 livres. peut-être ce 30 octobre, le retour sur le chemin victorieux pour David Loiseau. On lui souhaite ça, c'est certain. Oui, je pense que David, tout comme Georges St-Pierre, il y a un aspect que les amateurs aiment de lui, c'est comment il est franc avec le public. Il parle honnêtement de ce qu'il pense, de ses sentiments. Alors, on apprécie ça chez un athlète. On retrouve ça beaucoup dans le MMA. Et c'est ça, des gars comme Georges St-Pierre, des gars comme David Loiseau, il va toujours avoir des amateurs derrière eux, je pense. Parce que c'est des gars humbles, honnêtes, ils se présentent bien. Alors, c'est des beaux exemples. Oui, et oh, la semaine passée, Donald Cerrone avait perdu le combat pour le titre intérimaire face à Monsieur Anderson. Mais Cerrone, peut-être qu'il a perdu ses deux derniers ses combats de championnat face à Warner et Anderson. Mais dans les deux cas, il les a envoyés à l'infirmerie, ses adversaires, alors que lui, il est dur comme le roc, puis il est prêt. Alors, si j'ai bien compris, ce ne sera pas Warner face à Anderson pour confirmer le titre de la catégorie des 155 livres de la WEC, mais bien Cerrone face à Warner, puisque Anderson y est blessé. Ouais, pour moi, je vois ça comme ça montre comment que les 155 livres devraient pas exister dans WEC. Je me dis, si vous avez une division à 155 livres, puis vous avez juste trois combattants de valeur, aussi bien des amener dans l'UFC puis d'éliminer ça. Moi, c'est comment je vois la situation. J'aime beaucoup Donald Cerrone, le style, j'aime voir ses combats, c'est toujours excitant. Mais en tant que puriste amateur, voir un gars avoir une troisième chance de suite à un championnat après qu'il ait perdu les deux premiers, ça me laisse un petit peu un goût amer vis-à-vis un combat qui s'en vient là. Ça m'excite pas beaucoup à date. Oui, mais en même temps, bon, moi, j'ai pas vu ces combats-là, mais toi, je pense que tu les as vus. Mais Cerrone a pas démérité, même que face à Anderson, c'était très, très, très chaud. Puis, si j'ai bien compris tes explications, il avait remporté les deux derniers rounds ou quelque Oui, chose comme ça, hein? oui. Alors, c'est, il me semble, pardon, c'est, non, 155, il me semble, il est encore là, Oui, mais. j'en reviens à dire, c'est plus moi que les 155 livres n'ont pas d'affaires dans WEC. Alors, si tu veux avoir un autre combat, c'est Cerrone Warner, pas de problème, amenez-les dans l'UFC. Ça va être aussi populaire, le combat va être aussi populaire. C'est juste le championnat en tant que tel de 155 livres, pour moi, veut absolument rien dire. C'est plus cet aspect-là que j'aime pas. Oui, ben ça c'est bien dit. Je pense que c'était la même chose dans le temps. Il y avait Carlos Condit à 170 livres. Alors, on l'a transféré tout ça dans le UFC et on est bien d'accord. On devrait transférer ça dans le UFC parce que là, ça fait un peu de combattant de sous-étage. Oh, on vous parle de plein de nouvelles, mais la grosse nouvelle de la semaine, peut-être Dan Anderson, celui-là qui a envoyé Michael Bisping dans son Angleterre natale grâce à une claque et puis en a profité pour faire la descente du coude de la troisième corde. Ça nous rappelait Randy Macho Man Savage. Alors, Dan Anderson, qu'est-ce qui se passe avec notre ami Dan? Ben Dan Anderson, il joue la vie dure un peu à Dana White pour les négociations pour son contrat à venir. Cette semaine, il aurait rencontré même, ben pas il aurait, il a rencontré Scott Coker de Strike Force. On nous dit que c'était simplement pour prendre un café, là. Je pense que on jouera pas le rôle de la femme un peu nounoun, si on veut. Et on n'acceptera pas ça comme explication. Mais Dan Anderson, c'est un très bon combattant. Je pense que son plus gros problème, c'est qu'on vit dans un monde où ce que l'important, c'est vendre des pay-per-views. C'est pas plus que ça. Oui, c'est gagner. Oui, c'est d'avoir un bon nom. Mais encore plus important que ça, c'est que faut qu'il y ait du monde qui l'achète, le pay-per-view, quand tu fais un combat. Alors, si personne l'achète, c'est dur de justifier un gros salaire pour quelqu'un. Alors, Dan Anderson, si on regarde les chiffres qui seraient supposément en train de demander comparativement à ceux que Georges St-Pierre ou Brock Lesnar gagneraient, comme j'ai dit dans un article cette semaine, on est en droit de se demander s'il demande peut-être un peu trop. Mais de la même façon, moi j'ai aussi de l'opinion qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent d'investi. L'UFC reçoit beaucoup d'argent en revenus, alors Dan Anderson, peut-être qu'il fait bien de jouer le rôle dur de son côté. Oui, ben Dan Anderson, là, il n'est plus 20 ans. Là. Il en est peut-être à un dernier ou tu sais, deux derniers contrats. Là. Le garçon a 39 ans, là. Il va pas combattre jusqu'à 50 ans. Alors là, il veut aller chercher de l'argent avant de mettre un terme à sa carrière, probablement, puis on est tous d'accord avec ça. Il ressort quand même là, avec trois belles victoires face à Rosimar Palarez. Bon, ça, c'était peut-être pas le combattant, le combat le plus spectaculaire là, qu'il a eu droit, là, mais quand même, Anderson avait contrôlé tout le combat. Ensuite, Rich Franklin, bon, combat très chaudement disputé, décision partagée, mais en faveur d'Anderson. Et Michael Bisping, oh, ça a été fulgurant, là, une volée qu'Anderson a infligée à Michael Bisping. 185 livres, le UFC, là, faut l'admettre, là, Anderson Silva a fait le nettoyage là, au cours des deux dernières années. On en a besoin des 185 livres dans le UFC. Dan Anderson, c'est l'un des combattants, il me semble, qui donne un peu de challenge à des gars comme Anderson Silva. Il y a également Nate Marquardt et bon, Damien Maia. On va souhaiter qu'il puisse revenir sur le chemin de la victoire assez rapidement. Mais sinon, là, 185 livres, je pense qu'on en a besoin d'un gars comme Dan Anderson. Puis là, imaginez-vous donc, ce serait, je pense, un quatrième combat peut-être, là, si un jour on aurait droit à un combat Dan Anderson face à Wanderlei Silva. Oui, non, Dan Anderson, c'est un des gros noms. Alors, c'est sûr, si Strikeforce réussit à le voler de l'UFC, ça sera un méchant gros coup. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû faire sortir ça par exprès, que ça soit du côté de Dan Anderson. L'histoire à l'effet qu'il a rencontré Scott Coker, juste pour générer un peu, faire bouger les affaires dans des négociations qui semblent stagner ou que ça bouge pas. Alors, Oui, puis c'est un argument de vente aussi, hein. Puis à un moment donné, le Strikeforce, c'est ça qui est intéressant pour les combattants, c'est là où on aura peut-être vraiment deux organisations majeures américaines de ce sport-là qui est si spectaculaire. Puis ça va aider les combattants à aller chercher des salaires encore plus intéressants pour eux. Et moi, je trouve ça. Je serais content de savoir ça, mais j'espère que Dan Anderson va rester dans la UFC pour régler 2-3 cas. Mais malgré tout, quand même, le Strikeforce aurait besoin d'un autre combattant à 185 livres, parce que là, le problème avec Strikeforce, c'est la profondeur. Mais sinon, ça va être intéressant comment tout ça va se dérouler dans les prochaines semaines. tu dis 185 livres, mais il y a aussi, moi quand j'ai lu ça, la première chose qui m'est venue en tête aussi, c'est contre Musashi à 205, ou parce que Dan Anderson peut aussi se battre à 205. Alors, oui, c'est sûr que ça pourrait être une signature vraiment intéressante pour Strikeforce. Oui, alors, est-ce que ça met un terme à notre bloc MMAnouvelles.com et de tous les petits patins qu'on a ramassés au cours de la semaine? Oui, et on va tourner la discussion un peu à un autre sujet concernant toujours le MMA, où est-ce qu'on va parler, savoir si le MMA, là, c'est plus dangereux selon nous que d'autres sports de contact, à savoir, les premiers qui me viennent en tête, ça va être le hockey ou le football américain, et peut-être pour les Européens, je ne sais pas, le rugby. Oh. Mais c'est ça, alors c'est à savoir, le MMA, est-ce que ça serait plus dangereux physiquement que ces autres sports-là? Eh bien, la réponse est non, mon cher. Non, je dirais que non, parce que le meilleur exemple, c'est Randy Couture, qui a quoi? Il a 122 ans et qui pratique encore son sport. Nommément, moi, des combattants, là, ou dans n'importe quel autre sport. Bon, Couture, il a quoi? 45-46 ans. Tu sais, au hockey, à 45-46 ans, t'en as pas de carrière, là. À moins de t'appeler Gordie Howe, puis on veut te faire plaisir, puis on ne touchera pas, mais en fin de compte, tu pratiques pas le vrai sport. Mais Randy Couture, quand il monte dans un octogone, il se bat pour vrai, 46 ans, des Chuck Liddell à 39 ans, des combattants à âge très avancé, là, il y en a encore beaucoup dans l'univers du MMA, puis il n'y en a pas de mort encore, mais effectivement. Je peux pas penser à avoir pratiqué ce sport-là sans avoir des blessures, là. Ces gars-là, c'est des malades, mais c'est somme toute quand même bien encadré maintenant. Alors là, on passe pas la gratte pour ramasser les cadavres après chaque événement, là. Moi, honnêtement, puis je suis content de voir ça. J'ai pas encore vu de mort malgré quand même tous les combats que j'ai pu voir. Oui, ben techniquement, il y a eu deux morts déjà dans le MMA qui sont arrivées. C'était dans des places où ce que le MMA n'était pas réglementé. Alors, c'était pas des endroits, des galas, si on veut, du style UFC ou Strike Force, où ce que tout est réglementé avec les commissions et tout. Mais moi, je veux aussi parler du fait que je pense que souvent, le monde va mélanger violence et danger. Oui, le MMA, c'est un sport violent, ça, on peut pas vraiment le nier, parce que c'est un combat. Puis moi, j'ai pas de misère d'admettre que oui, j'aime ça, comme que je peux aimer un bon film d'action, et comme que je peux aimer beaucoup d'autres choses qui sont, si on veut, violentes, même de la musique un peu agressive ou peu importe. Ben, on en a besoin dans la vie de tous les jours, de la violence, Fred. Je sais, on aimerait ça vivre dans un monde où la paix règne et que l'amour fraternel, qu'on la retrouve dans tous les coins de rue, que tout le monde s'aime, mais non, à un moment donné, on a besoin de botter un cul, parce que oui, il y a de la crasse dans l'univers, puis effectivement, si on aurait voulu jouer le jeu avec des gars comme Hitler, là, puis on discute, puis blablabla, ben là, on serait en train de vous parler en allemand. Alors, à un moment donné, effectivement, la violence, c'est une chose utile en société parce qu'il y a des psychopathes. Et ce sport-là, oui, il y a de la violence, oui, il y a de l'agressivité, mais c'est encadré. Et c'est les meilleurs techniciens là, de combat. Et on développe, c'est l'espèce de la NASA du monde de l'art martiaux. Tu sais, on découvre des nouvelles techniques. Et c'est appliqué, parce qu'il y a beaucoup de combattants, je pense à des Renzo Gracie, puis plein de monde comme ça, qui donnent des séminaires à des policiers, à des tu sais, à des officiers, à n'importe qui, pour améliorer ces gens-là et leur assurer une qualité, leur assurer dans leurs travaux respectifs de mieux contrôler certaines situations. Parce que malheureusement, peut-être que quelqu'un qui a une meilleure connaissance des arts martiaux, ben aura pas besoin d'utiliser son arme dans une circonstance X. Et là, je ne veux pas prendre de cas en particulier, là, parce qu'à un moment donné, c'est clair aussi, le policier, il doit sortir son arme. Il est pas pour courir la chance de perdre sa vie pour à cause d'un crasseux. Là. Moi, je comprends à un moment donné. Je suis pas de ceux qui vont dire à chaque fois qu'un policier abat quelqu'un, ben là, qu'il faut qu'on se pose des questions, puis toute l'affaire, puis lorsqu'un policier utilise son taser gun, puis bon, une fois sur 100 000, il y en a un qui décède à cause de ça, qu'il faut remettre ça en question. Moi, je suis d'avis qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Puis bon, le policier, oui, c'est un métier dangereux, mais là, à un moment donné, il y a des limites. Mais il me semble que les arts martiaux aussi, c'est un outil qui peut peut-être faciliter. Puis qui peut, au lieu qu'un officier utilise son arme à feu, ben, à un moment donné, il peut utiliser des techniques puis maîtriser un ripou. Et là, je ne sais même plus où je suis rendu. Yeah. Oui, je sais pas où aller, là, mais je vais juste mentionner vite que je suis vraiment contre le taser gun. Mais pour parler des arts martiaux, je vais dire, c'est ça, la violence, c'est pas, y a pas une vraie violence dans le MMA, c'est une fausse violence qu'on se construit, si on veut, dans notre esprit en se motivant pour le combat. Parce que les deux gars, là, y a un énorme respect entre les deux que l'on retrouve pas dans beaucoup de sports, selon moi. Et, ouais, d'habitude. Ouais, excusez. Et si je vais aller au hockey ou au football américain, vous voulez parler violence, il y a autant de violence dans ces sports-là. Je veux dire qu'un gars là patine à full allure pour aller ramasser un gars dans le coin de la bande, vous allez pas me dire que c'est pas violent là. À quelque part, il y a un aspect violent, surtout la foule elle apprécie ça et tout. Alors l'aspect violence dans le MMA, c'est je pense que c'est que le monde a de la misère à accepter le fait qu'ils aiment ça regarder un combat là. Alors ils vont dénigrer l'aspect violence, si on veut. Ouais, mais moi, je suis d'avis que la violence et l'agressivité, c'est vraiment des outils primordiaux pour l'humain, là. On en a besoin, mais ce qui est important, c'est de savoir l'encadrer, la contrôler. C'est ce que les arts martiaux, habituellement, ben, aident à générer, à faire, là, à se servir bien de toute cette agressivité, sa violence-là, et l'utiliser à bon escient. C'est ça, je pense, le plus important. Alors, le but... tu sais, au hockey, oui, bon, mise en échec solide, double échec, c'est violent. Mais ce que je trouve de plus violent, puis de plus dangereux, puis de plus réprimandable, c'est un coup de de bâton là, comme ça pour rien. On s'en souviendra des Marty McSorley face à Donald Brashear. Et il y en a eu plein d'autres cas comme ça. Des coups de patin, je pense que Chris Simon qui avait fait ça, là, un joueur des Pingouins dont je ne me souviens plus le nom. Ça, c'est des gestes de fou que oui, il faut punir, mais une certaine dose d'agressivité qui, bon, s'en résulte avec de la violence, mais dans des règles bien encadrées où vraiment, là, tu sais, on arrange les choses bien. Puis là, on le sait, il y a des blessures, mais il y a des blessures dans tous les sports. Là. Un quilleur va avoir des problèmes, il va avoir une tendinite dans le poignet. Là, exactement. Et les blessures, tu parles des blessures. Un danger que le monde ne se rend pas compte souvent, c'est que une commotion cérébrale, là, ça peut arriver de bien des façons. Ça peut arriver d'un coup de poing, ça peut arriver d'un plaquage, ça peut arriver... Une commotion cérébrale, ça, c'est causé par le fait que ton cerveau bouge dans ta tête, si on veut. T'sais. C'est pas la meilleure explication médicale, mais que ça soit un coup de poing, il n'y a pas de différence, c'est l'impact. Alors, le danger après ça aussi, c'est que au hockey, il joue 82 fois par année, au football, une vingtaine de fois quasiment. Alors, qu'au MMA, c'est juste 3-4 fois par année qu'ils vont combattre. Alors, le danger des séquelles n'est pas là, je pense, dans le MMA, comme on veut nous faire à croire qu'il est. Oui, ben, je suis d'accord avec toi, mais effectivement, il y a peut-être des choses à améliorer. Peut-être essayer de faire en sorte que toutes les régies et les commissions athlétiques travaillent uniformément, parce que, bon, effectivement, quand tu es un bon combattant, puis tu vas chercher un salaire respectable, tu peux combattre une, deux, trois fois par année, mais il y en a peut-être qui poussent la dose un peu trop, là. On peut comprendre qu'en début de carrière, oui, tu peux faire 12 combats par année, si c'est des combats faciles ou tu n'as pas eu de blessure, mais effectivement, il peut y avoir de l'abus là-dedans, parce que les commissions athlétiques, les régies, ne travaillent pas toujours en cohésion, je dirais. Alors, il y a du travail pour améliorer ça. Ça, c'est certain. Mais dans l'ensemble, là, le MMA, je pense qu'on a un très beau sport. Puis, souvent, à la fin du combat, on a des signes de respect. Oui, des fois, il y a des débordements. Mais ça, c'est dans tous les sports, dans toute compétition, puis dans tout domaine. Là, on va pas tout le temps tous s'embrasser à la fin d'un combat. Là. Il y en a un qui peut ne pas aimer l'autre. Puis, c'est correct comme ça. Mais moi, je pense que, honnêtement, je suis pas gêné de dire que je suis un amateur de MMA, puis loin de là. Oui, puis pour finir la discussion, il y a un docteur qui avait fait une étude, je pense que c'était Hopkins ou Tompkins, son nom, et j'invite tout le monde à faire une recherche où ce qui compare le MMA à plusieurs sports. Et aussi, il apporte un autre aspect où ce que souvent le monde va penser qu'à cause des petits gants que les coups vont être plus durs, si on veut. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. L'impact, au point d'impact, va peut-être être un peu plus fort. Mais en boxe, vu que le gant de boxe est tellement plus gros, l'impact est beaucoup plus gros sur le cerveau aussi. Je ne sais pas si c'est bien expliqué pour comprendre que la zone qui est touchée par un petit gant est plus petite que la zone qui est touchée par un gros gant de boxe. Alors, à long terme, les effets... Aussi, en boxe, dans cette étude-là, c'était expliqué que c'est beaucoup plus néfaste, justement, parce qu'il y a une zone plus affectée à chaque fois qu'il y a un impact. OK, j'ai pas lu ça, mais aussi, moi, peut-être que j'ajouterais sur... c'est pas scientifique, mon affaire, là, c'est bien personnel, là, mais c'est la répétition des coups de poing. En boxe, bon, souvent, un combat va faire... Exactement. On va se rendre à la limite. On peut manger beaucoup de bons coups de poing. 200 ça paraît... coups de poing par ça. Combat. Ça paraît pas beaucoup nécessairement, mais au bout d'une carrière, là, ça peut peut-être paraître un peu plus. Alors qu'en MMA, si tu es atteint solidement d'habitude, tu t'en vas au sol tout de suite, là, parce que ça pardonne pas nécessairement, là, avec des. C'est mon impression, là, mais évidemment, je connais rien là-dedans, là. Mais on a un parti pris, là, ça, c'est oui, évident. Parce que là, tu sais, le sport existe depuis nombreuses années, puis on en voit des gars, là, 40-50 ans, qui combattent encore, ou on les voit dans les coins. Puis ces gars-là ont l'air en meilleure forme que Mohamed Ali puis que certains boxeurs qu'on connaît. Oui, non, exactement. Moi, je pense que ça revient toujours au fait que le monde voie la violence et il associe ça, si on veut, à un danger, ce qui est pas tout à fait vrai. C'est mélanger deux aspects du sport, je pense, dans une discussion, ils font. Oh, et là, j'ai un problème de bave, là. Ma bave ne se régénère pas. Alors, j'aurai besoin Café. d'un verre, pas un litre, non, de l'eau. Un ou deux litres d'eau. Et je pense qu'on revient par la suite parce que là, ça y est, on va vous présenter le UFC 104 et un petit mot sur le Dream 12. Alors, dans quelques instants, on est de retour.